fait signe, dans mon cœur chante pas le désert. Notre amour me fascine, je me dis que la chance bat des ailes. Toi t'es belle, tu me rends beau, et ce dès le premier jour. J'essuierai tes sanglots, un soleil sur tes joues. Et c'est fou ce que t'en passes vite, il me faut une Doloréale. Je suivrai jusqu'en Afrique, tu vaux bien plus que L'Oréal. Une auréole au-dessus de toi, j'ai un ange dans le cœur. Des cauchemars où tu pars, je cache pas que j'en prends de peur. J'ai passé là, j'y compte bien pour m'attirer des filles faciles. Ta chaleur du fond de teint pour maquiller mes cicatrices. Combien de fois je me suis fait avoir, j'avoue chanter pas le couvrir. Je pense pas à la fin de l'histoire, il me reste des pages à parcourir. Nul autre fera ma vie, je sais que c'est dur à comprendre. Comme toi tu porteras ma fille, moi je porterai ta confiance. Je m'amuse à chercher ton visage au milieu des constellations. Quand l'horizon est grisâtre, t'es ma seule consolation. Et si je me retrouve à te réclamer, c'est parce que je suis seul. Je fais preuve de patience, je te le promets. Je t'attends sur le sol. Et si je me retrouve à te réclamer, c'est parce que je suis seul. Je fais preuve de patience, je te le promets. Je t'attends sur le sol. Et combien ton chagrin que tu penses que tu t'égares. Vas-y prends ma main, dans les étoiles on s'évade. Je veux aimer sans hésiter, qu'on avance sans s'éviter. Moi je veux qu'on se dise tout, sincérité, fidélité et tout le reste. T'inquiète y'a pas de problème, je réaliserai des prouesses pour prouver mes promesses. J'ai gravé ce qu'on a vécu, je peux pas me passer de toi. Je pensais que la vie m'avait déçu avant qu'elle passe par chez toi. Et si on est si différent, c'est pour combler nos lacunes. Je suis un loup évidemment, qu'on s'installera sur la lune. T'es comme un signe de paix, je suis blanc comme en plein été. Pince-moi s'il te plaît, ce que tu incarnes me fait rêver. Y'a pas de quoi s'alarmer dans ton regard, je me sens vivant. Y'a encore tant à partager jusqu'aux poussières de sentiments. Et qu'importe les épreuves, ça se passe entre nous. Oublie toutes tes peurs, PS I love you. Et si je me retrouve à te réclamer, c'est parce que je suis seul. Je fais preuve de patience, je te le promets. Je t'attends sur le sol. Et si je me retrouve à te réclamer, c'est parce que je suis seul. Je fais preuve de patience, je te le promets. Je t'attends sur le sol. Je t'ai demandé de prendre ma main, mais c'est mon cœur qu'il faut saisir. Tu sais, aimer n'est pas un effet de mode, mais un désir, un plaisir à partager. Donne-moi le sourire. Je sais qu'au fond, tu as tout ce qu'il me faut pour me secourir, ma belle. Au besoin de mon cœur, tu manques à l'appel. Si le bonheur était une terre, je le creuserais à l'appel. Appelle-moi, si tu écoutes ce message d'espoir, tu seras celle qui complétera les dernières pages de mon histoire.